C'est malheureux, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est la rue, c'est la rue, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Est-ce que tu résonnes à Paris si sur ta tête y'a le calibre? Tu marches avec des requins blancs, fais gaffe à qui tu t'allies. Tu vas tomber, mais sache que cette fois y aura pas de tatami. Ne fais pas perdre mon temps, dis-le-moi si je gaspille ma salive. Tu lèves le poing, tu suis le move, t'es à l'affût de toutes les news. T'as l'impression de défendre une cause, tu te trouves au cœur d'une manie. Ouais, t'as des couilles parce que t'as tiré tout par tes d'un pari. Le contre-coup arrive et t'as les jambes qui tremblent sur le périph. Puis c'est le chien qui se mord la queue, ça s'arrête plus, c'est la merde. L'ennemi c'est toi, tu sais déjà, tu sais qu'y a pas d'autre maître. Formé dans la braise et on se demande s'il y a moyen d'en sortir un beau jour, quitte à se taper corps et âme et se dire ouais. Le quartier a vraiment l'air de rien vu du ciel. Les petits n'ont vraiment peur de rien, je suis du père. Un avenir à terre pour un passé judiciaire. La porte tombe à 6 du mat, tu sais que ce n'est pas une vérité. Ils sont nombreux comme si t'étais une grosse pointure d'Italie. Les gens demandent comment ça va, mais en vrai c'est juste mécanique. Tu dissimules toutes tes émotions dans un coffre métallique. Tu t'en écoutes, tu plains le zen. Et ouais, la drogue ça donne des ailes. Tu te sens bien, tu prends tes aises. À toi tout seul de tout le banks. Des décisions prises sous alcool ou encore sous amphétamine. Et sur la table un Beretta avec le masque de Dali. Puis c'est le chien qui se mord la queue, ça s'arrête plus, c'est la merde. L'ennemi c'est toi, tu sais déjà, tu sais qu'il n'y a pas d'autre maître. Formé dans la braise et on se demande s'il y a moyen d'en sortir un beau jour, quitte à se taper corps et âme et se dire ouais. Le quartier a vraiment l'air de rien vu du ciel. Les petits n'ont vraiment peur de rien, je suis du père. Un avenir à terre pour un passé judiciaire. C'est malheureux, mais c'est quoi le remède? C'est malheureux, mais c'est comme ça. La rue ne laisse pas le choix. Ouais. Le quartier a vraiment l'air de rien vu du ciel. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Les petits n'ont vraiment peur de rien, je suis du père. Un avenir à terre pour un passé judiciaire. C'est malheureux mais c'est comme ça. C'est malheureux mais c'est comme ça. Parce que la rue ne laisse pas le choix. Parce que la rue ne laisse pas le choix.